Le Salon Noir. L'art de la guerre, l'Orient le doit bien entendu à Sun Tzu, stratège militaire et général du 5e siècle avant notre ère, auteur d'un immense traité publié en français au 18e siècle et étudié depuis lors dans toutes les écoles militaires d'Europe. L'art de la guerre en Occident, c'est bien entendu un autre général, de 4 siècles son cadet, lui aussi lu et relu par des générations, et auteur d'une œuvre guerrière sur laquelle se penchent encore et encore historiens et archéologues. César, c'est bien entendu l'auteur du De Bello Gallico, mais aussi du De Bello Civili. César, passé maître dans la stratégie, la tactique comme la polyorcétique, sera donc aujourd'hui au centre du Salon Noir avec Yann Le Boeck. Bonjour. Bonjour à Vincent Charpentier et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Professeur à l'université de Paris 4, Yann Le Boeck, vous avez consacré votre vie de chercheur à l'Antiquité romaine. Pour preuve, quelques titres d'ouvrages tels que « L'armée romaine sous le Haut Empire »,« L'histoire romaine des guerres puniques »,« La troisième légion », voire tout récemment « L'encyclopédie de l'armée romaine », mais surtout « César ». Chef de guerre. Yann Le Boeck, à défaut de connaître les traités de géographie, la stratégie existait-elle durant l'Antiquité ? Oui et non. C'est évidemment une réponse un peu décevante. Vous auriez préféré que je réponde soit oui, soit non. Mais c'est une discipline et une pratique à la fois que nous appelons stratégie. Et les anciens ne la connaissaient pas comme discipline. Mais évidemment, les généraux étaient obligés d'appliquer une stratégie, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils connaissent leurs effectifs, qu'ils connaissent les effectifs des ennemis et qu'ils sachent par où les atteindre. Donc, il y a eu un débat entre historiens, bien évidemment. Un Américain qui s'appelle Lutwak a écrit qu'il y avait une grande stratégie de l'Empire romain. Un Israélien, qui est un de mes amis, Benjamin Isaac, a soutenu qu'il n'y a pas de stratégie du tout dans l'Antiquité. Alors, j'aime beaucoup Isaac, mais il faut bien reconnaître qu'il y a tout de même une stratégie. Alors, j'ai appelé cela une petite stratégie pour me démarquer de Lutwak. Dans ces cas-là, est-ce que justement César n'a pas fait les premiers ouvrages de stratégie ? La guerre des Gaules de César, De Bello Gallico ou Bellum Gallicum comme vous voulez, est effectivement un manuel d'art militaire incomparable. La guerre civile également vient en complément. On y trouve tout ce qu'il faut pour les différents types de tactiques qui sont à appliquer sur le terrain et pour justement une stratégie qui existe aussi bien dans un cas contre les Gaulois que dans l'autre cas contre d'autres Romains. Une stratégie qui se divise en deux parties essentiellement. Premièrement, frapper l'ennemi au cœur, au centre de son dispositif, et ensuite se débarrasser de ce qui reste. Alors, est-ce que tous ces généraux lisaient malgré tout les sources antiques plus anciennes ? Ah, bien entendu. Tous les généraux appartenaient à l'aristocratie et donc possédaient à la maison des ouvrages, une bibliothèque, et leur formation les amenait à lire et à commenter tous les livres qui étaient chez eux. Donc, il est certain que César, puisque nous parlons de lui aujourd'hui, avait lu le traité du commandant de cavalerie écrit par Xénophon quelques siècles plus tôt. Nous n'aurons bien sûr pas le temps de retracer l'enfance de César. Tout juste arrêtons-nous sur un portrait de César. Pour Pline, César et la guerre, c'est 1 192 000 morts. Alors, Pline l'Ancien, l'oncle de Pline le Jeune, a écrit cette petite phrase qui a échappé aux historiens, et je vous sais gré de l'avoir retrouvée, juste pour dire cette chose qui est extraordinaire. que César a été un très grand capitaine, un très grand stratège, un très grand tacticien, qu'il a remporté des guerres extraordinaires, mais qu'en même temps, il a fait massacrer un très grand nombre d'hommes, non seulement ses propres soldats, mais évidemment surtout les ennemis qui étaient en face d'eux, et notamment les civils, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards qui étaient victimes de ces soldats. 1 192 000 morts, c'est gigantesque pour l'Antiquité. C'est gigantesque pour l'Antiquité, bien évidemment, d'autant que la Gaule ne devait avoir que 2, 3, 4 millions d'habitants. Nous n'avons pas de statistiques. Cela dit, bon, ce chiffre que Pline l'Ancien nous propose est probablement un chiffre un peu exagéré. Alors vous m'excuserez, mais je suis quand même contraint de faire une sorte de parallèle. La guerre des Gaules, c'est bien plus meurtrier que la guerre de 14. Toute comparaison, bien sûr, possible. Non, je ne pense pas. Parce que quand vous avez une bataille dans l'Antiquité, vous n'avez jamais plus de 50 000 hommes de chaque côté. Donc vous avez 100 000 hommes sur le champ de bataille. Les ennemis s'affrontent. Et les ennemis, les deux troupes, sont des soldats plus ou moins professionnels. Et ils savent une chose, c'est que quand ils voient l'ennemi sur leur gauche ou encore plus derrière eux, ça veut dire qu'ils sont en passe d'être tournés ou qu'ils sont tournés. Et donc, à partir de ce moment-là, ils sont vaincus. Donc, quand ils savent qu'ils sont vaincus, ils arrêtent le combat. Les vaincus ont le choix, à ce moment-là, entre déposer les armes. Mais alors là, leur sort est incertain, où ils sont gardés comme esclaves, où ils sont tués immédiatement. Essayer de fuir, mais là, ils sont poursuivis. C'est un choix assez poursuivi et puis abattu, évidemment. Frapper dans le dos, ça ne dérange pas la moralité des Romains. Ça n'appartient pas à leur moralité. Et ils peuvent le faire. Et ils trouvent même tout à fait normal de tuer un fuyard qui est un lâche, quelqu'un qui ne mérite pas de vivre. D'ailleurs, être frappé dans le dos chez les Gaulois, c'est le sort ce qu'il peut y avoir de pire, je crois. Absolument, c'est le sort du fuyard. Hein. On peut faire un parallèle avec les Spartiates. Une mère avait dit à son fils, reviens avec ton bouclier à la main ou sur ton bouclier, c'est-à-dire reviens vainqueur ou reviens mort, mais surtout ne reviens pas en fuyard. Alors, je termine, puisque ce que je disais sur la bataille, c'est qu'à partir du moment où les vaincus savent qu'ils sont vaincus, ils arrêtent de combattre, ça ne sert plus à rien, ou alors ils se suicident. C'est aussi une chose qui arrivait parfois. Et donc, en général, une bataille normale, ça fait quelques milliers de morts chez le vainqueur, et chez le vaincu, pardon, et quelques centaines de morts chez le vainqueur. C'est sans comparaison quand même avec la guerre de 14-18. En tout cas, Pline l'Ancien développe un concept très moderne, une sorte de crime contre l'humanité, contre César. Oui, oui et non, parce que bon, le crime contre l'humanité, c'est tout de même lié à des idéologies qui sont nées au XXe siècle, mais effectivement, César a commis ce que nous appellerions aujourd'hui des crimes contre l'humanité. D'abord, faire massacrer tous ces civils. Et il y a même, dans la guerre des Gaules, un cas de génocide qui est dirigé contre les Éburons. Les Éburons ont pris au piège des Romains. Ils ont massacré 7000 et quelques Romains, 7500 environ, en leur tendant une embuscade. Et alors César a considéré que c'était une trahison abominable, que c'était une lâcheté, que c'était inacceptable. Et il a dit que le nom même des Éburons devait disparaître. Et il a réussi. C'est une vraie volonté d'élimination. C'est, à mon avis, un des rares génocides dans l'histoire de l'humanité, génocide complet, puisque le nom des Éburons disparaît. La petite histoire est aussi intéressante. On le dit souffrant, épileptique, voire atteint d'hypotension posturale. Oui, le cas de l'épilepsie a été beaucoup évoqué à son propos dans les textes du XXe siècle notamment, mais personnellement je n'y crois pas parce que c'est une maladie, enfin, je me suis renseigné, je ne suis pas médecin, je me suis renseigné auprès de médecins et c'est une maladie qui survient n'importe quand, surtout dans les moments de tension. Or, des moments de tension, César en a vécu, notamment quand il allait engager des batailles, encore plus pendant la guerre civile que pendant la guerre des Gaules, puisque pendant la guerre civile, là, il affrontait des ennemis qui étaient au moins aussi redoutables que ces hommes, et on ne voit pas qu'il ait eu de crise d'épilepsie au début d'une bataille quelconque. Alors l'hypotension posturale, de quoi s'agit-il ? C'est une maladie qu'un médecin vous expliquerait mieux que moi. C'est lié à la, comme le nom l'indique, à la tension. C'est une baisse de tension très forte quand on se trouve dans certaines circonstances, dans certaines attitudes. En tout cas, Yann Le Boeck, vous écrivez « Le plus chaud partisan de César, c'est lui-même ». Regardons quelques instants le caractère même du personnage. Jérôme Carcopino disait de César qu'il était jaloux de lui-même. Vous semblez en accord avec l'historien ? Écoutez, je suis parfois en désaccord avec Jérôme Carcopino, mais je dois dire que Jérôme Carcopino était un des plus grands maîtres que nous ayons eu au XXe siècle, avec André Pigagnol et quelques autres grands historiens de l'Antiquité, comme mon maître Marcel Le Gleix. Mais effectivement, je pense que Carcopino avait bien compris qui était César. C'est un personnage qui avait dans la vie un seul objectif, c'est satisfaire son ambition. Et cet objectif, c'était le pouvoir, le plus de pouvoir possible. Ses soldats disaient de lui, César, l'homme de toutes les femmes, la femme de toutes les hommes, de tous les hommes. Ces soldats l'ont dit, oui, c'était, enfin, ils l'ont écrit plus exactement, c'était lors d'un triomphe dans Rome, et c'est une tradition. Pendant le triomphe, c'est un défilé militaire, comme nous en avons le 14 juillet, mais c'est en même temps une procession religieuse. Et le triomphateur, le général qui a obtenu les honneurs du triomphe, donc César en l'occurrence, représentant en quelque sorte, il est investi du pouvoir de Jupiter. Mais il ne faut pas qu'il se prenne pour Jupiter, parce que Jupiter serait jaloux, et alors là, ça retomberait sur les Romains. La jalousie du dieu causerait bien des dégâts aux Romains. Donc, pendant le défilé, ce triomphe, il y a d'abord un petit esclave qui est derrière le général triomphateur, et qui lui dit, rappelle-toi que tu n'es qu'un homme. Ne te prends surtout pas pour un dieu, parce que ça va rendre Jupiter jaloux. Et puis, ces soldats portaient des pancartes, pour se moquer de lui, justement pour éviter aux dieux de croire, et en particulier au dieu Jupiter, de croire qu'eux-mêmes étaient les serviteurs d'un dieu. C'est une accusation grave dans la Rome antique ? Non. Ah oui, les Romains, vous savez, nous sommes Français. Donc il y a dans notre pays des athées. Il y en a dans un certain nombre de pays occidentaux, mais finalement, quand on réfléchit, je crois que la France a quand même le plus fort pourcentage d'athées qui existe sur Terre. Et jusqu'au XVIIIe siècle, l'athéisme n'existait pas. Et les Romains étaient tous des gens pieux. Peut-être quelques intellectuels étaient athées. On s'est même demandé d'ailleurs si César n'était pas athée. Peut-être quelques intellectuels l'étaient-ils. Mais l'athéisme était impensable. Et au contraire, les soldats pensaient que s'ils étaient vainqueurs, c'est parce que les dieux les protégeaient. Et que les dieux les protégeaient parce qu'ils étaient le peuple le plus pieux du monde. Les Romains le disaient. Et pour eux, la piété était une vertu. Plus sérieusement, beaucoup de documentation mais, ne nous pardon, sont jamais parvenues. Sérieux, non, non, non, mais je pensais à la petite phrase « l'homme de toutes les femmes », bien sûr. Hein. Oui. Et surtout, « la femme de tous les hommes ». On l'a aussi traité de reine de Bithynie. Bravo. Donc, plus sérieusement, beaucoup de documentation ne nous sont jamais parvenues. Qu'aurait dit un de ses pires ennemis, Asinius Pollion, par exemple, si nous avions bien sûr retrouvé ces textes ou on peut prendre Tite-Live, qui a été aussi tout à fait anti-césarien. Absolument. Il y a aussi un historien grec qui s'appelait Dion Cassius, qui a écrit au début du IIIe siècle. J'ai un désaccord sur Dion Cassius avec une de mes collègues que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle ne m'écoute pas parce que moi je n'ai pas beaucoup d'estime pour Dion Cassius. Je pense que c'est quelqu'un qui prenait une source sans bien y réfléchir et qui l'a recopiée, qui a ajouté. Il a fait son histoire en ajoutant des sources, des textes d'auteurs très divers. Et pour la guerre des Gaules, il a pris un texte d'un auteur qui était un ennemi de César. Peut-être qui est devenu pendant la guerre civile un ennemi de César, peut-être Labienus, peut-être un autre, je ne sais pas. Labienus, le général de l'aide de camp qui était lieutenant de César en Gaule et son ennemi par la suite. Donc, en lisant Dion Cassius, on se rend compte que il y a une critique de César qui a existé et que Dion Cassius nous transmet très naïvement, qui montre que César n'a pas toujours été aussi triomphant, aussi vainqueur, aussi puissant qu'il l'a dit. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. Tous les Français connaissent désormais la tête de César, découverte bien sûr dans les eaux du Rhône, à Arles. Vous n'êtes bien sûr pas historien d'art, mais vous y voyez une belle découverte, une belle illustration de ce personnage, ou tout au contraire ? Écoutez, tout ce qui fait parler de César me fait plaisir, évidemment, mais au risque de encore de me brouiller avec un ou deux de mes collègues, je vous dirais que je ne crois pas que ce buste représente César. En effet, nous avons une photo d'identité du personnage. Cette photo d'identité, ce sont les bustes que nous voyons sur des monnaies. Alors, vous allez me dire, ces monnaies sont postérieures, sont posthumes, mais elles ont été gravées à la demande d'Octave, qui était le neveu de César, est devenu son fils adoptif. Octave, c'est celui qui est connu par la suite sous le nom d'Auguste. Je pense quand même qu'Octave savait, le premier empereur, je pense quand même qu'Octave, neveu et fils adoptif, savait à quoi ressemblait son père. Or, le portrait que nous voyons sur les monnaies est celle d'un personnage qui a le front fuyant vers l'arrière, un nez en bec d'aigle, un nez busqué, qui a des petites lèvres ourlées, le menton très marqué et une pomme d'Adam également qui ressort très nettement. Ça ne ressemble pas du tout au portrait qui a été trouvé, au buste qui a été trouvé à Arles. Je pense que ce buste d'Arles est un notable ou un sénateur, un chevalier qui est passé par là, mais je ne pense pas que ce soit le buste de César. Le buste le plus fidèle, à mon avis, c'est celui qui a été trouvé en Italie à Tor d'Allier et qui se trouve actuellement au musée de Turin. Mais même celui-là, je n'en suis pas sûr. Je préfère les monnaies, c'est encore ce qu'il y a de plus fidèle. Mais vous allez jeter le trouble, penser que ce buste a été exposé au Louvre. J'en suis navré. J'espère qu'on me le pardonnera. En tout cas, Yann Leboeck, la carrière de César est jalonnée de titres, Flamine de Jupiter, pontife, tribun militaire, questeur, édile curule, donc il a le droit de s'asseoir sur ce fameux siège curule, souverain pontife, prêteur, en 60 avant notre ère, le voici gouverneur de la péninsule ibérique, juste avant de rentrer donc dans le premier triumvirat. Où il, bien sûr, devient consul. C'est l'irrésistible ascension de César. Et il n'a que 40 ans. En fait, non. Jusqu'à ce qu'il soit gouverneur en Espagne, c'est un personnage banal dans l'aristocratie de l'époque. C'est quelqu'un qui fait une carrière, certes, mais enfin une carrière un petit peu comme de nos jours, un officier ou un fonctionnaire peut faire carrière. La preuve, c'est qu'en Espagne, il voit un buste d'Alexandre le Grand et il dit à son âge, à mon âge, il était déjà mort et il était très célèbre. Moi, je ne suis pas célèbre encore. C'est seulement après l'Espagne qu'il devient célèbre. Pourquoi César rentre-t-il en Gaule ? Ses choix de conquête auraient bien pu porter sur d'autres contrées tout aussi prestigieuses. Je pense par exemple à l'Égypte, la Germanie, le Danube par exemple. Alors on sait qu'il avait pensé faire une guerre en Dacie, c'est-à-dire la Roumanie actuelle, parce que dans cette région il y avait des mines d'or et qu'une guerre de ce genre lui aurait rapporté de très grandes richesses qui lui auraient permis de poursuivre sa carrière politique. Il se préparait à cette guerre quand on lui a appris que les Helvètes, un peuple gaulois qui vivait dans la Suisse actuelle, envisageaient de se rendre en Charente et donc de traverser toute la Gaule. Ça lui a été un prétexte pour intervenir en Gaule parce que sur ce chemin, où il passait par la province romaine de Transalpine, dans les environs de Vienne, où il passait à travers le Morvan, et le Morvan était tenu par les Éduins, qui étaient un peuple allié de Rome, et donc il devait les défendre. Mais en tout cas, à Rome, on ne déclenche pas une guerre comme ça. On ne fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, que des guerres défensives. Vous avez tout à fait raison. Dans la mentalité collective des Romains, la guerre est un mal. La religion l'explique aussi. Il y a le droit le dit aussi, également. Et il y a le droit des fessiaux. Les fessiaux, ce sont des prêtres qui définissent les conditions dans lesquelles on peut entrer en guerre. Or, les Romains ne peuvent entrer en guerre que s'ils sont attaqués et qu'après avoir demandé réparation. Et il y a là tout un processus extrêmement long, extrêmement compliqué, avant de vraiment entrer en guerre. Yann Leboeck, je rappelle pour les éditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes professeur d'histoire antique à l'Université de Paris 4, spécialiste de Rome et des armées romaines, auteur d'un livre « César, chef de guerre ». Qu'est-ce que l'armée romaine? Une exceptionnelle machine, une machine où le légionnaire tient une place capitale? C'est une machine de guerre, effectivement, qui est tout à fait exceptionnelle. Qui est exceptionnelle parce que les peuples de l'Antiquité étaient conservateurs. Donc, pour un Athénien, j'ai une armée, c'est celle que mon père a eue, c'est celle que mon grand-père a connue, et on n'y change rien. Tandis que les Romains, dans le domaine militaire, mais uniquement dans le domaine militaire, ont accepté toute une série de changements. Chaque fois qu'ils voyaient un élément qui leur paraissait meilleur chez des ennemis, ils l'utilisaient. Je vais vous donner un seul exemple, qui est l'armement du légionnaire. Il a un bouclier qui est gaulois, un casque qui est grec, une cuirasse qui est grecque, l'épée qui est espagnole, le javelot qui est samnite. Toutes ces pièces d'armement ont été empruntées à des ennemis. Mais tout le reste de la guerre romaine, de l'armée romaine, a été modifié, adapté, de façon à rendre cette armée plus efficace. Et puis, chaque légionnaire sait ce qu'il doit faire. L'encadrement est... Ça fait partie de tout cet ensemble. Il y a effectivement, comme vous le dites, un encadrement qui est exceptionnel, très complexe. Il y a toute une hiérarchie d'officiers et même de sous-officiers, ce qui fait que le soldat qui va au combat n'est jamais isolé. Il est accompagné de quelqu'un. Il y a derrière lui quelqu'un qui lui dit « avance, recule, tourne-toi à droite ou tourne-toi à gauche ». Et puis il y a, ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, à l'instant, il y a un entraînement. Le soldat ne va pas au combat sans rien savoir. Être guerrier, être légionnaire, c'est un métier. Ça s'apprend. Le légionnaire fait ses classes pendant 4 mois. Et non seulement c'est une formation initiale, mais c'est aussi une formation continue. Le légionnaire, en permanence, pratique l'exercice. L'armée romaine est aussi une armée bigarrée avec ses auxiliaires, les Numides, Coupe-Jarret, les Germains, les Frondeurs des Baléares. Et aussi les archers crétois et quelques autres, bien évidemment. Et surtout, dans la guerre des Gaules, beaucoup de Gaulois. Toute la cavalerie est gauloise, en fait. Il y a quelques Germains qui ont été recrutés à la suite. Mais à l'époque de César, la guerre, la bataille, était faite essentiellement par les légionnaires. C'était eux qui remportaient la victoire. Alors, il y avait évidemment quelques auxiliaires qui lâchaient des flèches, des javelots, des balles de fronde sur les ennemis avant la bataille pour, en guise de hors-d'œuvre. Mais le plat de résistance, c'était le légionnaire. Ça a changé tout de suite après, sous le Haut Empire. Les généraux romains ont commencé à utiliser davantage les auxiliaires pour économiser le sang romain. La guerre des Gaules, tout le monde la connaît, mais pourquoi la guerre civile est-elle occultée de l'histoire même de César? Il s'agit d'un moment capital de l'histoire de Rome, l'affrontement de César et de Pompée? Je ne sais pas pourquoi elle est occultée, en tout cas moi je n'ai pas cherché à la cacher. Je crois au contraire que c'est un moment extrêmement intéressant pour l'art de la guerre, parce qu'on a face à face deux armées tout à fait semblables, des légionnaires contre légionnaires, et elles sont commandées par deux généraux qui sont l'un et l'autre exceptionnels. Pompée n'est pas médiocre, même si César est génial. Voyons bien sûr la bataille, celle du choc, la bataille en race campagne. On s'imagine les premières minutes du film Gladiator, bien sûr, que beaucoup des auditeurs ont vu. Il y a un peu de ça. Une organisation en fait, et un choc très brutal. Une bataille est à la fois extrêmement complexe, il y a toute une série de moments qui se déroulent l'un après l'autre. Et puis, c'est en même temps extrêmement simple. Toute une série de moments, bon, il faut que l'armée arrive sur le champ de bataille, qu'elle se mette en ordre de bataille, que les auxiliaires, justement, les alliés, lancent quelques flèches, quelques javelots sur les ennemis. Et puis après, il y a le choc des légions face aux troupes ennemies. Mais une fois qu'on est là, la bataille est quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement rudimentaire. Ça ressemble davantage au jeu de dames qu'au jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'il y a soit choc frontal, soit on essaie de glisser un coin entre deux au milieu du dispositif ennemi, ou on essaie de tourner une aile ennemie. Alors, durant la guerre des Gaules, la véritable menace, c'est bien sûr les peuples les plus violents, et ceux-ci appartiennent au nord de la France, enfin au nord de la Gaule, ce qu'on appelle les Belges, à savoir les Bélovaques, les Atrébates ou les Nerviens. La stratégie de César est assez claire, frapper immédiatement au cœur, ensuite en périphérie, et ensuite saucissonner l'ennemi. C'est ça sa stratégie. Voilà, c'est sa stratégie. Nous l'avons un petit peu dit tout à l'heure au début de cette émission. Et on retrouve la même stratégie dans la guerre civile. Frapper au cœur d'abord, frapper l'ennemi le plus dangereux. Donc en Gaule, ce sont les Belges. Alors les Belges, il faut dire que ce sont tous les peuples qui vivent au nord d'un axe Seine-Marne. C'est une Belgique qui est plus grande que celle que nous connaissons de nos jours. Dans la guerre civile, il attaque Pompée en Italie. Ensuite, il attaque les peuples qui sont moins dangereux, mais qu'ils sont quand même, les peuples de l'océan, de l'Aquitaine, de Notre-Armorique, Normandie, et des Flandres actuelles, les plus dangereux étant mes ancêtres, les Vénètes, comme il va de soi. Et en revanche, dans la guerre civile, après, donc, il guerroie en Grèce, en Égypte, en Afrique, en Espagne, en Grèce, en Égypte, en Afrique, puis de nouveau en Espagne, où ça se termine. Yann Le Bec, il y a bien sûr le siège, ce qu'on appelle la polyorcétique, l'art du siège, Bourges, Gergovie et surtout Alésia. Alors bien sûr, il y a les fossés, les talus en mode de gazon, les tours, les portes que l'archéologie a par exemple retrouvées à Alice-Saint-Reine. Alors la polyorcétique, vous remarquerez d'abord que le mot est grec. Ce n'est pas un mot latin, ce qui veut dire que César a beaucoup lu les auteurs grecs. Et il y avait un roi de Macédoine qu'on avait appelé Démétrios, qui s'appelait Démétrios et qu'on avait surnommé le Polyorcète parce qu'il prenait des villes. Donc c'est un art qui est typiquement grec, mais que les Romains ont bien adapté, bien perfectionné. Alors effectivement, avec des travaux énormes, on creuse un fossé, derrière le fossé on met un talus, un rempart de bois, et puis surtout on utilise beaucoup d'artillerie. Alésia, deux mots sur ce que vous avez vu à Alice-Saint-Reine. Alors, c'est un débat qui est très agaçant, que je voudrais éviter. Je vous dirais simplement qu'Alésia se trouve dans le Jura, en Côte d'Or, dans le Massif central ou en Normandie, ça m'est complètement égal. Cela dit, je suis allé sur les deux sites, j'ai visité les deux sites et j'ai été plutôt convaincu par la Côte d'Or. Et les travaux donc de Michel Redé qui ont été tout à fait formidables. Qui sont incontournables, comme on dit de nos jours. Revenons sur la stratégie de César. Luigi Loreto, grand spécialiste des guerres césariennes, pensait que César avait une vraie doctrine. Êtes-vous d'accord avec vous ? Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je pense qu'il a raison. Que c'est justement ce que nous disions à l'instant, d'attaquer l'ennemi le plus dangereux d'abord, et ensuite les ennemis moins dangereux qui survivent. Pour conclure, Yann Le Bec, les conquêtes militaires de César ne sont rien pour lui. Sa seule aspiration, ce serait tout simplement Rome. Eh bien oui, c'est extraordinaire. C'est un personnage qui a passé toute sa vie à voyager. Il a fait tous ses voyages à cheval, parfois en bateau sans doute, mais il a parcouru le monde entier à cheval. Il est allé jusqu'en Angleterre, jusqu'en Égypte, jusqu'en Anatolie, jusqu'en Afrique, partout. Et en réalité, son objectif, c'était d'exercer le pouvoir sur quelques centaines de mètres carrés, sur le Forum romain et sur la Curie où se tenait le Sénat. Ce qui est très étonnant, c'est que l'histoire de César, en deux mots, c'est quoi ? 15 ans ? C'est une quinzaine d'années, oui. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il a appliqué un programme de réforme très important, très étonnant, qu'il a imposé en 18 mois. Yann Le Bec, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, César, chef de guerre. La semaine prochaine, nous évoquerons les 50 ans de la découverte d'Aïranoum, cité hellénistique d'Afghanistan, avec son fouilleur, bien sûr, Paul Bernard. Le Salon Noir a été réalisé par Rafik Zénine, à la technique Bruno Gagnère-Fontani, l'attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.